Et nous prend pour un perdreau de l'année, ce Marcel. Vous retrouverez, l'ordre de le mettre à 18h30 la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au pays des travailleurs. Attention, c'est quand même des anarcho-trotskistes, ils l'ont dit pendant leur émission. Hein. Et puis, bah, nous, je sais pas ce qu'on est, anarcho-trotskistes allez, hein. Ça me va. Stalino-punk. On ne sait pas. En tout cas, c'est Pyongyang City Rockers numéro 367 qui commence avec ce soir l'équipe de choc. Thibaut. Ouais. Et Stéphane. Ouais. quel duo de choc. Incroyable. Bon, là, on crie dans les micros. Ça sature à fond la caisse. C'est bien. Je suis sûr, il y a des gens, ils entendent pas très bien ce qui se passe. Ce n'est pas grave. De toute façon, tout ça, c'est pour vous apprendre. Enfin, vous entraîner à mourir. En cerveau croate, ça se dit Training za umiranie. C'est un titre de 1993 de Kladno Pivo, un groupe, je sais plus, serbe, je crois. Yougoslave, hein. Ce Pivo, soir, ça veut dire bière, c'est pas le truc alors. Ouais, c'est ça. Et alors donc, je préviens que ce soir, moi j'ai plein de vieux trucs. J'ai aussi des trucs récents, mais pour l'instant je commence avec du vieux. Puis après ça, on parlera de choses qui t'intéressent. D'actualité. Oui, d'actualité. Allez, pour l'instant, Kladno Pivo avec Training za umiranie. Ah bah voilà, ça va, à la fin on se retrouve au bord de la mer et puis on se suicide. C'est comme ça. Non, je sais pas. Alors Thibaut, ce soir tu es venu dans Pyongyang City Rockers, non seulement pour passer de la musique, t'en as plein. Non seulement pour te voir. Oui, oh merci. Boire aussi une petite jupie, peut-être. Ouais, c'est ça, n'est-ce pas. Mais également pour présenter. Ouais. Ce que tu vas présenter. Bah, vas-y, dis-moi, dis-nous. Écoute, je fais un groupe, ça s'appelle Violence Banalisée, figure-toi. Oh, c'est vrai, ouais, bah, on a déjà passé des titres ici. Nos démos toutes pourries enregistrées avec trois micros, machin. Là. Ne me dis pas que là, vous avez sorti quelque chose de moins pourri. Je te figure que si, je te jure. C'est vraiment, vraiment moins pourri. C'est même, on est plutôt content pour le temps que ça nous a pris, tout ça, la façon dont on a enregistré tout ça. Voilà, on va sortir notre album, figure-toi, vendredi, un 12 titres. Alors attends, vas-y, la sortie, c'est une sortie... Sortie numérique ou physique? Numérique first. Ouais. Numérique d'abord, et puis on... Parce que vous êtes des jeunes gens modernes. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on avait à cœur vraiment de sortir ça en 2024 aussi, et pas d'attendre les CD qu'on aura d'ailleurs. On fait une release le 1er février, on en parlera aussi, mais on aura du physique à ce moment-là. Mais je pense La release, elle se fait quand même un jour bien particulier. Ouais, un jour bien particulier, c'est-à-dire vendredi. La release numérique, le 13 décembre par souci d'agenda, évidemment. Le 13-12, oui, évidemment. Bien sûr, quand même, merde. Et on avait vraiment à cœur de sortir ça en 2024, parce que c'est des morceaux qu'on a fait l'année dernière, cette année, et on a déjà d'autres trucs, dans les doigts et tout ça, pour faire d'autres choses en 2025. Donc on avait l'impression que ça appartenait plus à 2024 et qu'on voulait le sortir à ce moment-là. Pourquoi en 2025 vous allez changer complètement de style peut-être? Non, une révolution. Vous allez faire de la bossa nova. Ouais, carrément. C'est possible. Hein. C'est possible, tout est possible. Franchement, mais si on ferait ça, je pense qu'on changerait de nom. Mais on va continuer bien sûr à faire du punk tout ça. Mais c'est à Berlin Lizard. Oui, tu sais. Violence à Banana Design. Bon. Et puis, je suis pas venu que avec l'album en avant-première, mon cher Steph. Il y a aussi, une soirée dont je voulais vous parler pour mes autres activités de Kawaii Molotov. Putain, mais t'arrêtes pas, toi? Faut se reposer, des fois. J'arrête le dimanche, sauf quand il y a concert au Yeti. Bon, d'accord, ça aussi, on en parlera de concert au Yeti. On passe un premier titre de Violence Banalisée. Allez. Gardons les bonnes habitudes de passer beaucoup de musique, parce qu'encore la semaine dernière, on a quand même beaucoup parlé, j'ai écouté. Il y a des gens, d'ailleurs, ils écoutaient ce qu'on disait, ça les a fait rigoler. Donc c'était bien, quand on parlait de Angie Music à l'ancienne. Enfin bref. Qu'est-ce que tu veux mettre? Allez. Lequel? Bah écoute, on va pas commencer par le reggae quand même. On va peut-être pas commencer par le reggae. On va commencer par le petit morceau éponyme si tu veux bien. Violence banalisée du coup qui sortira aussi en clip en même temps que l'album et tout ça. Tu vas nous parler de ça juste après qu'on passe le titre. Carrément, allez. Let's go. Youpi, Violence banalisée avec le titre éponyme. Et tu es, tu as le risque de t'arriver. Vitesse de vitesse et une police qui l'adresse. exactement. Hors antenne, on parlait d'ordre. Je sais pas si c'est vraiment votre cas, enfin le truc que vous préférez. Ah non, l'ordre, ouais, l'ordre, tout ça, non, c'est pas, évidemment non. Bon, évidemment. Alors, tu parlais d'un clip. Ouais, carrément. Bah du coup, on a eu la chance de faire un petit clip là avec une pote à nous. Voilà, quelqu'un d'Artenbass, Manoun, que je salue. Ça existe plus Artenbass. Non, ça existe plus, mais ça existe toujours dans notre cœur, tu sais. Ouais. Ah, puis, c'est la famille, t'as vu. Ouais, et puis vous continuez à vous réunir pour faire des trucs. Enfin voilà, ponctuellement, en tout cas, on se voit, voilà. Et du coup, à chaque fois qu'on se voit, si on se perd de vue un petit peu, ce qui était le cas avec Manoun, qui était parti en Laponie voilà, pendant un bout de temps, qui s'est découvert d'ailleurs une passion pour la photographie et qui a un super appareil, voilà, qui revient à Lille et bah tu fais quoi, bah tiens je fais violence, bah viens voir, ah bah c'est super, puis il y a Théo dedans, bah c'est magnifique, ah bah je peux vous filmer, bah tu peux faire un clip, ah bah vas-y let's go, on fait un clip, et voilà tranquillement ça s'est fait comme ça. Du coup on a clippé ça dans la cave aux poètes, vu qu'on répète là en ce moment, parce qu'on est un peu orphelin de lieu et j'ai quand même la chance de pouvoir voilà avoir des avantages avec mon boulot, n'est-ce pas. faut pas lire. Mais non, on s'en fout, c'est bien, c'est logique. Il sort quand? Il sort vendredi aussi? Ouais, ça sort vendredi aussi, ouais, on envoie tout. Ouais. Après, attends, il y a une soirée d'écoute et de divisionnage de clips, tout comme ça ou pas? Alors on va faire un genre truc musical. Ouais, on va faire un truc, ouais, carrément au musical le 11 février, parce qu'on a aussi la chance de bosser avec un dessinateur pareil, enfin qu'on a rencontré pendant les concerts et tout ça, Adam, ouais voilà, ouais. qui vient chanter un petit peu avec nous aussi en ce moment sur les concerts, qui à la base lui vraiment est programmeur de jeux vidéo, illustrateur, voilà. Et taiseux, il est aussi taiseux. Il est très taiseux. Il dit pas grand chose, mais par contre, il remarque tout. Et tu vois que des fois, il y a une petite lueur dans le regard, il se fout de la gueule du mec qui parle. Ah, ouais, d'accord. Faut pas lui raconter celui-là. Oui, tout à fait. Et clairement, voilà, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup apporté sur le projet avec ses dessins et tout ça. Hein, ça va tout sortir en même temps. Vous allez pouvoir découvrir aussi, du coup, tout l'univers qui va faire aussi. Bah nous aussi ça nous permet de violence banalisée. Ouais c'est ça, en vrai nous ça nous permet aussi de pouvoir mettre des images sur ce qu'on fait aussi, c'est franchement intéressant, c'est super sympa. Et du coup bah on s'est dit allez bah let's go, on va faire un truc, on va aussi promouvoir notre collègue graphiste quoi, et puis organiser une expo. Donc il y aura une expo, il y aura des petites surprises, j'ai pas encore tout dévoilé non plus, mais effectivement il y aura moyen d'écouter l'album, voir le clip. Ça sera donc au musical le 11 janvier. Ouais, depuis tout à l'heure tu dis février. Hein. Ouais, mais c'est parce que la release c'est le 1er février, ça me perturbe. Mais clairement ça sera le 11 janvier, ça, il sera exposé du coup jusqu'au 1er février, moment de la release partie. Le 1er ou le 11 février? Le 1er février, là, c'est parti. Donc la musique, les deux prochains, vois, les trois prochaines dates. Ce vendredi, 13-12, le 11 février, qui est un vendredi aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis le 1er, non, le 11 premier, janvier, putain, le 1er février. tu vois, c'est le bordel. Ouais. Donc on se fasse une liste écrite, hein, sinon ça va pas. De toute façon, on va communiquer tout ça sur notre réseau principal, qui est notre site internet. Voilà, que vous pouvez retrouver pour certains. Faut dire l'adresse violence-banalisée.org. Tout à fait, exactement. Yeah. Vous êtes une organisation qui développe de l'internet alors. On est une organisation qui développe aussi de l'internet DIY. C'est notre gratteux qui s'occupe de ça. On a un site internet aussi là qui vient de se refaire, qui va se refaire pour vendredi. Voilà, il y aura un tout nouveau truc et tout ça. Donc en ce moment, il dort pas parce qu'il y a plein de petits trucs fignoler. Il a fini. En ce moment là, il est à l'hosto là, il fait sa garde là, 24 heures là, machin. Il dit rien, faut pas dire ce que font les gens. Enfin. Bon. On repasse un petit titre de violence. Allez, carrément. Puis après, on battra la campagne en passant des nouveautés puis des vieux trucs. Puis hop, encore du violence banalisée. Mais pour l'instant, VB. Alors tu quel voulais... titre que tu veux qui Non, toi tu me parlais de passer des trucs qui ont rapport les uns avec les autres. Ouais, genre, qui peuvent s'enchaîner pas mal. Bah écoute, dans ce cadre-là, tu peux mettre mon cher Stéphane. Bon, en fait, ils n'ont pas de rapport les deux avec les autres, mais c'est deux morceaux qui se trouvent au milieu de l'album que j'aime beaucoup. C'est certainement mes deux préférés. Un qui s'appelle Denis et l'autre qui s'appelle Jusqu'à la mort. Alors, Denis. Et ensuite, jusqu'à la mort par violence banalisée, dont l'album sort en numérique ce vendredi 13 décembre. En avant. Violence Banalisée, vous avez écouté successivement Denis et ensuite Jusqu'à la mort. Ouais, c'est qui ce Denis? C'est un vrai personnage? Ouais, c'est inspiré d'un, c'est une histoire inspirée d'un, d'un vrai pote. Voilà, qui aime bien faire la fête, tout ça. Et puis en fait, bref, on l'avait croisé juste avant d'aller en répète. Un soir, on allait en répète, on buvait un coup pour l'anniversaire d'un pote et bref, il était trop, hein, il voulait rentrer chez lui, tu vois. Puis il a dit, oh, puis si j'arrive pas à rentrer chez moi, je dormirai dans le caniveau. Donc t'arrives en répète, tu sais, avec, avec ça. Tu sais que tu composes. Nous, on compose beaucoup sur la zik qu'on joue, puis on essaie de trouver des, tu vois, des airs, des trucs, puis après, on remet les paroles dessus. Et en fait, c'est un peu ça qui est sorti, d'accord, quoi. 2000 enfants sauvages. Ouais, ouais, ouais, carrément, carrément. Ça, on nous l'a soufflé. Ça, c'est un rappeur un peu connu de la scène lilloise. Dans Grande qui nous l'a soufflé. Un qui est déjà passé ici. Un qui est déjà passé ici. D'accord. Ouais, je vois. Il veut pas qu'on photographie, donc il y a toujours une petite lumière là, c'est ça. Okay. Toujours une petite lumière. Ah bah toujours. Hein. Bon, petite intermède de nouveauté vu que le FC Power Violence est sorti. C'est un split, four-way split, mettant aux prises Gumo, False LMDA et Insane Order. Autant vous dire aïe, que aïe, ça aïe. Tourne autour du grind et du Power Violence. C'est une coproduction, Don't Trust the Hype, L'Honor Cult, je crois, puis d'autres, bof. C'est sorti, oh, déjà la semaine dernière. Je devais le passer la semaine dernière et puis on n'a pas eu le temps parce qu'il y avait nos gens de Test of Mind qui étaient là. Bref, en tout cas, on peut le retrouver au moins sur le Bandcamp de L'Honor Cult, L-O-N-E-R. Plus loin, C-U-L-T. Je vous ai donc concocté un petit bloc avec le premier titre de chaque groupe. Ils sont tous les quatre gentiment enchaînés. Ça fait donc 4 titres en 4 minutes 30. Gumo Hat-Trick, suivi de False Evidence, suivi de LMD Scorched, suivi de Insane Order, Healing the Dead. Voici sur le FC Power Violence, Pouet Pouet. Please, I'm il est quasiment 20h30 minutes sur l'antenne de Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 367 avec ce soir Thibaut de Violence Banalized. Alors, je te voyais là pendant qu'on écoutait nos gars de la Power Violence faire leur truc. Tu reprenais bien pendant, enfin, au moment des breaks, tu faisais des oh comme ça et tout. Vous êtes prêts? Vous seriez prêts, Violence Banalized, à faire du Power Violence? Franchement, en vrai, pourquoi pas? C'est un truc que je sais pas. Si tous les copains sont d'accord, moi j'aimerais bien. C'est vrai que c'est nous, on joue pas mal sur des styles un peu quand même différents. On a envie d'aller un petit peu sur plein de trucs. Clairement, pourquoi pas un peu de Power Violence, ouais, de temps en temps, ouais, carrément. Et puis on d'accord. Ouais. C'est noté. Power Violence banalisée. Donc c'est ça votre challenge pour 2025. Non, en vrai, on est votre beaucoup défi, au contraire, on est sur un truc beaucoup plus un peu moins rapide, plus cold, tout ça. Et voilà. Tout à l'heure, quand je parlais de bossa nova, tu vas voir, vous y viendrez. on se repasse un titre là, bah, justement, de Violence Banalisée. Allez, un ou d'un, je fais. D'un autre d'un autre registre. Bon, ouais. Allez, bah écoute, si tu veux, t'as qu'à mettre Mort à la guerre et Terroriste qui s'enchaînent dans la vraie vie. Voilà. Et puis après, attends, et sur l'album aussi d'ailleurs. Je trouve pas Terroriste, y est là. Ah, heureusement que je les ai bien titrés. T'sais. Tu m'es envoyé tout à l'heure, j'ai fait le boulot. Alors, encore un petit coup de Violence Banalisée. Je rappelle, sortie de ce 12 titres en numérique ce vendredi sur votre site web violence-banalisée.org. Carrément, ça sortira sur Bandcamp aussi, en piste par piste. Sur YouTube pour pouvoir trouver facilement. De toute façon, le site web donne des liens vers tous ces trucs là, quoi. Ouais, cette plateforme le site web privative. Ouais, le site web est à voilà, c'est bien. Il faut passer par là plutôt que par les trucs. Puis après, c'est des outils, bois tes paroles, tu as raison. Voilà. Je me suis levé ce matin, j'ai dit bon, comment faire plaisir à Stéphane? Et donc voici Mort à la guerre, suivi de Terroriste par Violence Banalisée sur leur futur 12 titres à sortir ce vendredi. Ouais. Bouton drapeau. sont les terroristes? Mais qui sont les terroristes? C'est toi là qui crie la liste est longue. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est bien. Alors, c'est qui les terroristes? Ouais. Oh, bah, t'en as plein. On a plein. Les politiciens d'abord. Hein. Et ceux qu'on fête dignement le 13 décembre aussi. Ceux qu'on fête dignement le 13 décembre, évidemment, ouais. Les commanditaires, c'est, tout ça. C'est du live en studio ce que vous faites là? Yes, it's live in direct. C'est bien, vous préférez faire comme ça ou, et bah, ça vous fait chier d'enregistrer instrument par instrument Non, on avait envie de le faire comme ça. On a envie de le faire comme ça parce que bah, on avait fait comme ça sur les démos. On trouvait que malgré le son pourri, on s'en rendait pas mal et qu'il y avait de la dynamique. Donc c'était plutôt cool. Adri, d'ailleurs, du studio 365. 343 ouais. Ah ouais, c'est 343, merde, putain. Ça va. Nos auditeurs et Tris auront rectifié deux ouais, BM. Bah ouais. Et bah du coup, Adri, il était chaud à... C'est la première fois qu'il le faisait aussi comme ça. Du coup, il était chaud à partir là-dessus. Je me dis, tiens, on a même construit nos propres murs anti-bruit et tout, machin, nana. On a fait le truc vraiment DIY. On a reçu l'aide aussi de Yuki qui nous a prêté du matos et qui a assisté aussi Adri voilà sur l'enregistrement. Il a tous les mauvais coups celui-là. Ouais. Et puis voilà pour la petite anecdote, on a enregistré ça en une seule journée le dimanche. On devait le faire en deux jours. Et en fait, on a eu le jour de Seigneur, merde. Putain, et c'était le jour du Paris-Roubaix. On a enregistré ça à Croix. C'était la merde parce qu'il y avait les cyclistes, machin, les cordons de sécurité, conneries. Ah, c'est bien. C'était le moment de créer des incidents avec la police, non? Ah ouais. Ça, on a créé des incidents avec certains voisins, mais qui pensaient qu'on venait se garer pour le Paris-Roubaix, mais pas du tout. Enfin bref, on a plein d'histoires. Mais du coup voilà on a fait ça bah du coup en une après-midi et mine de rien c'est bien ouais ben bah, les c'est un beau concert quoi. Ouais, c'est un beau concert qui a duré 6 heures peut-être, 7 heures, je sais plus parce que bah finalement ça le temps passe super vite puis c'est le truc en live, c'est humain hein, il y en a toujours un qui se foire à un moment machin, bah, terroriste je crois, ouais. La dernière qu'on a fait, je crois on l'a fait 43 fois je crois, peut-être pas mais voilà, on a arrêté de compter à un moment, tu vois, parce qu'il y en a toujours un qui se plantait puis avec la fatigue, tu vois, ça aide pas donc bref, mais on a bien rigolé. Pour éviter ça, faut boire un peu de bière. Et bah, écoute, il paraît que ça fait envoler la fatigue. Écoute, pourtant, on était super équipés, on avait des jupilaires et tout, on était vraiment au top équipés, quoi, mec, bon, si tu veux. Et tu sais ce qu'on va faire? On va faire une petite lettre à monsieur Jupilaire pour dire qu'on n'arrête pas de faire de la pub pour sa bière à la con. Donc maintenant, ils ont intérêt de raquer, sinon on parle plus d'eux du tout, quoi. Tac, ouais, c'est allez. Ça. Bon. Après, une quelle bouge, on fera, je sais pas, Jupilaire Power Violence. Allez, tiens, c'est bon. Youpi. et puis, bah, maintenant, pour enchaîner sur un truc qui va passer ce vendredi. Non pas sur Bandcamp, mais à Saint-Saulve, oui. À l'espace MJC Otheno, machin chose, place du 8 mai 1945, organisé par Test of Mind. Et puisque je me suis fait engueuler parce que j'avais pas passé les bons titres de Slapshot la semaine dernière, je repasse un titre de Slapshot maintenant. Et si ça ne plaît pas au batteur de tous les groupes qui m'a dit que bon, quand même, j'aurais pu me passer mieux que ça, et ben c'est pas grave. Voici Told You So, Mich Lavaudi par Slapshot. So this is the end of the line for me. The truth of my ears so plain to see. Now is the time to fix your mistake. You were telling me to make a clean break. Well, I told you so. You'd never believe me. Well, I told you so. Encore une belle bande de braillards. C'était Miss Brucarna des Suédois. C'était vers 83 ou 84, je ne sais plus trop, parce que c'est tellement vieux. Hein. Putain, ça fait 40 ans. Ça va, ça va. Non, mais la moitié, ils sont morts maintenant. Voilà quoi. Et le titre, c'était Du Arintadu. Tu n'es pas toi-même. Ah. Tu es quelqu'un d'autre. Ouais, bah, et il faut que tu trouves qui tu es. Who are you? Voilà. J'ai le temps de faire un baratin. Vas-y, baratin. Non, parce que j'avais quand même envie de causer. Quelle semaine! Mais quelle alors, semaine. On finit à peine l'émission la semaine dernière avec Test of Mind. On apprend que le gouvernement a été censuré. Alors, on a bien ri, déjà. Ouais, voilà, poète. Donc, on a bu. Je ne dirai pas la marque de la bière. qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Ah oui, ensuite, il y a le mec, là, le type. Le PDG de la Luigi, plus grosse boîte d'assurance américaine. Luigi qui a défoncé le docteur Mario. Ouais. Qui se fait révolvériser devant l'hôtel où il allait participer à une conférence, soit. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, t'as Bachar el-Assad. Il est oublié de fermer la porte derrière lui, puis t'as plein de monde qui est rentré, puis voilà, pouf, et puis il y a dû se casser. Ça fait plutôt plaise. Bon, en tout cas, voilà, ça fait un donneur d'ordre de torsionnaire en moins, voir comment ça va se passer en Syrie. Sur l'histoire de... Ouais, mais là, il fera beaucoup moins de mal, je pense, en Russie. Ouais. Sur l'histoire de... Comment il s'appelle de Luigi, là. Ouais, justement. Alors, moi, quand même, je me disais, bon, au début, il a fait aucune faute, le gars qui l'a tué, là. Il se fait pas connaître, il disparaît. En plus, il laisse des espèces, il balance des indices, des trucs rigolos, genre un sac plein de billets de Monopoly, un tube de Pringles avec dedans un petit diable à ressort. toutes des conneries comme ça, quoi. Bref. Donc, ça partait plutôt bien. Puis finalement, on s'aperçoit que le gars, le Luigi, là, il a dû céder aux sirènes de la notoriété. Et puis, il s'est démerdé pour se faire prendre. Moi, je le prends comme ça, parce que franchement, revenir tout près du lieu de son crime. Et puis en plus de ça, je pense que le McDonald's, là, c'est où il a été chopé, c'est un endroit où il avait ses habitudes. Moi, je dis que... Voilà, il y a peut-être moyen qu'il a envie de se faire choper quand même. Ouais. De toute façon, il avait écrit un texte et tout, donc absolu. Et son texte, en plus, il faut le lire, c'est complètement ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des conneries dedans, mais c'est quand même assez... Moi, j'ai pas tout lu. C'est quand même assez ledge. Oui. J'ai mis le lien sur le Facebook de Pyongyang City Rockers. Okay. Bref, tout ça pour dire que, franchement, pour les gens qui se cherchaient un héros, alors c'est bien, enfin, dans l'absolu, je ne vais pas pleurer sur un enfoiré qui a envoyé à la mort centaines de milliers, voire des millions de personnes, parce que c'est ça les assurances, le système des assurances aux États-Unis. Ils se démerdent pour te piquer le peu de biens que tu as, genre les gens, juste parce qu'ils ont une sale maladie, tac, ils doivent vendre leur baraque, quoi, alors que c'est le seul truc qu'ils ont. voilà, quoi. Moi, je vais pas pleurer sur le sort de ce pauvre con, là, mais par contre, moi, j'aurais préféré quand même que ça reste un truc, une espèce de vengeance immanente de la classe ouvrière et que le gars fasse courir les flics le plus longtemps possible. Je comprends que c'est difficile, moi-même je serais pas tout à fait capable d'échapper à la marée chaussée aussi longtemps que ça. Bref, toujours est-il que les héros, il y en a plus, c'est ce que nous disaient les qui déjà, les Stranglers, No More Heroes, mais là c'est pas les Stranglers dont je vais passer le titre, c'est une reprise de No More Heroes par les Violent Femmes en 99, No More Heroes, le titre des Stranglers, mais est orchestré autrement. Youpi! Respecter la mélodie et tout, enfin voilà, hein. Mais c'est pas orchestré pareil parce que c'est Violent Femmes. Il y a beaucoup de violence ce soir, beaucoup dans de violence, cette émission. Ouais. C'est Pyongyang City Rockers. Il est 20h50, il nous reste 10 minutes en la compagnie de nos. Non, même pas 9 en fait, il est 51. Je regarde pas la bonne horloge. On a des horloges qui donnent pas la même heure ici. On en a plein, mais elles donnent pas. Il y en a pas une qui donne la même heure. Donc, faut savoir laquelle est la bonne. On est complètement perdu voilà. Dans l'espace. C'est trop bien, c'est Radio Campus, c'est la radio libre, bravo. Tu voulais parler aussi d'autres activités? À fond, carrément. Quelque chose qu'on organise avec des copains, là, Kawaii Molotov, je sais pas si ça parle à des gens. On ouais, fait un petit peu, pas mal, je pense qu'on les a déjà reçus facilement, ouais. Vous avez déjà reçus au moins 4 fois. Ici. Et écoute, là, cette soirée, l'initiative d'une autre copine à la base, pareil, Arten Bassois, qui revient, qui a un projet. Et on se dit, bah vas-y, ce qu'on peut faire avec les potes pour t'aider, c'est organiser. Bon, finalement. Dis ce que vous organisez. Alors, qu'est-ce qu'on organise? Eh ben écoute, l'événement s'appelle Remplis-moi ce camion. Parce qu'elle a un camion, t'as vu. Donc, et l'idée, c'est que, en fait, elle va faire un mois à Dunkerque, là, en bénévolat pour Elle for Dunkerque. Je sais pas si tu vois un petit peu l'orga et tout ça. Ouais. Mais il faut quand même dire pour les auditrices et teurs de quoi il s'agit. Elle for Dunkerque, c'est une asso, un collectif non gouvernemental qui va filer des coups de main sur Dunkerque, notamment à l'été. Ils organisent, donc ils ont pas vraiment d'antenne dans le nord, mais plutôt dans le sud. C'est plus, si j'ai bien compris, c'est plutôt des gens même du milieu teuf, en fait, du milieu techno et tout ça, qui organisent à l'année plein d'événements, donc pour remplir justement des camions pour venir en aide aux exilés qui se trouvent sur les côtes d'Ampal. Sur la côte d'Opale, voilà, et donc ils viennent filer un coup de main, notamment pendant les mois, on va dire, quand même les plus durs de la saison, parce que quand même l'hiver sur la côte d'Opale, voilà, c'est quand même un moment assez, dans tous les cas, c'est pas drôle pour ces personnes, au contraire, c'est l'horreur, l'hiver c'est encore pire que tout, donc voilà, et donc elle avait envie aussi donc de faire cet événement. Donc ça va se passer au Locaria, et il y a une autre 42 rue des Postes. Ouais, et il y a une autre copaine qui donne un gros coup de main là-dessus, qui va aussi jouer sur la soirée que je salue. Gégène Rustine, Soso, des bisous, on sait que t'écoutes. Et voilà, ça va se passer au Locaria, donc c'est jeudi prochain. Je peux dire ce qu'il y a si tu veux, parce que j'ai retrouvé la fiche Search Punk. Allez, let's go, let's go. C'est collecte de un peu de tout pour les exilés. Faut remplir ce camion qui fait 10 tonnes quand même. Hein, ouais, donc on peut 10 tonnes. Enfin, en tout. Hein, des objets de première nécessité. Il s'agit de récupérer des vêtements chauds, des couvertures, des produits d'hygiène, des denrées alimentaires non périssables, tels que pâtes, conserves, etc. On pourra mettre la liste d'ailleurs. Ouais. Sur Pyongyang City Rockers, yes, sur la page de l'émission. On la mettra aussi sur la page de Kawaii Molotov. Enfin, en fait, c'est pas Kawaii Molotov, c'est Kawaii Violent. Bref, c'est pour tout. Et donc, il y aura pour agrémenter tout cela des DJ sets de plein de gens. Massico, Ballet Funk, Jersey Club. Ouais. T'es en train de lire, là, je te vois. Moi ouais, carrément, et toi aussi, non? Vernon. Ouais, bah c'est Vernon. Vernon. Ouais. Et Gégène Rustine, du coup. Gégène, ah ouais, bah bravo, ouais. C'est du propre. Et ouais. Ouais. Et puis Disloxé. Et là, on est plus sur de la techno à l'ancienne, quoi. Des ouais, 80, acide et tout. Donc, il va y avoir beaucoup de choses différentes cette soirée. Et pareil, toute la thune aussi récoltée par ces artistes, parce que le Locaria, voilà, vont quand même mettre de l'argent pour les groupes. Ils seront directement mis dans la collecte aussi. Bravo. Donc n'hésitez pas. Rendez-vous au Locaria 42 rue des Postes à Ouezem-Lille à partir de 21h et Extinction des feux, exactement, jeudi 19 décembre, hein, donc pas demain, voilà. Le prix d'entrée, c'est un don, et pour les gens qui peuvent vraiment pas faire de don parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter, c'est des gros enfoirés, il y aura quand même un chapeau qui passera. Exactement. On pourra remplir aussi. Tout à fait. Parce que des fois, ça aide. Voilà. Voilà, et du coup, on va s'écouter un petit titre. Écoutons-nous. Ouais. Mais de quoi s'agit-il? Eh ben, écoute. V, c'est ça? V. EV. EV, ouais. C'est pas le groupe breton, là? Alors, absolument pas. Je pense que c'est un peu dans l'esthétique de ce qui va se passer ce soir-là. Voilà. On l'envoie, c'est Sirens par EV. Give me silence in the city, there be violence. Blue lights are so blinding, at night it gets violent. These sirens give me silence in the city, there be violence. Blue lights are so blinding, at night it gets violent. Yo, sirens give me silence in the city, there be violence. Blue lights are so blinding, at night it gets violent. These sirens give me silence in the city, there be violence. Blue lights are so blinding, at night it gets violent. Yo, yo, big tune wheel up. Play 1-2 like FIFA. Pub, club, rave, all in that order, just like a geezer. Walk in the rave, smile on my face, off my face with all my mates. Jumping bass, I feel waved, big tune gets played. We got DJs, we got dealers, take it old school like FIFA. sirens, give me silence. In the city, there be violence. Blue lights are so blinding. At night, it gets violent. These sirens, give me silence. In the city, there be violence. Blue lights are so blinding. At night, it gets violent. Yo. It gets violent. These sirens give me silence. In the city, there be violence. Blue lights are so blinding. At night, it gets violent. Yo, yo, big tune wheel up. Play 1-2 like FIFA. Pub, club, rave, all in that order, just like a geezer. Walk in a rave, smile on my face, off my face with all my mates. Jumping bass, I feel waved. Big tune gets played. We got DJs, we got dealers. Take it old school like Fila. Spin it back right now, yeah, for the wheel up. Big sounds coming through. Late nights in the underground with a London sound, we don't fuck around. Everyone smoked the loud in amongst the crowd, I said the shit goes down. Yo, big tune wheel up, play 1-2 like FIFA. Pub, club, rave, all in that order, just like a geezer. Yo, big tune wheel up, play 1-2 like FIFA. Pub, club, rave, all in that order, just like a geezer. Il y a eu un blanc là, à la fin on a eu peur. Hein. Ah ouais, on se quitte sur encore un petit truc de violence banalisée, c'est une intro. Ouais carrément, du coup ça c'est l'intro de l'album. D'ailleurs j'ai déjà entendu en concert celui-là. Ouais, ouais carrément, on commence toujours comme ça. Donc on rappelle, sortie du LP 12 titres de violence banalisée ce vendredi 13-12 sur toutes les bonnes plateformes, dont le site violence-banalisée.org. Tout à fait. Voilà, il nous reste 20 secondes pour dire au revoir, c'est fini Pyongyang City Rockers, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 368, merci Thibaut d'être venu, merci de manière totalement impromptue. Et on se dit au revoir et on n'oublie pas. Good job. 13-12. Parce qu'il a insurrectionnel de nombreux groupes d'autodéfense. Allez campus, il est 21h.